بسم الله الرحمن الرحيم. الحزبية يا إخوان أفل لها والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. À le plaisir de vous présenter شرف التلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. Cours numéro 28. جلسة الاستراحة. L'assise du repos. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد, vous en avez pu voir dans le dernier cours, vous en avez pu voir à travers la parole de Cheikh Al-Albani que lorsque on revient du sujoud, il fallait faire un takbir, l'assise qui était après le sujoud. Il nous dit que lorsqu'il faut se lever du sujoud, ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب. Il fallait se lever. Quel est le jugement de faire le takbir lorsqu'on se lève du sujoud? نعم, c'est une obligation. نعم, c'est un واجب. أحسنتم. نعم, car النبي صلى الله عليه وسلم est là lorsqu'il a décrit la prière à ceux qui n'avaient pas prié, il a évoqué cela, de faire le takbir lorsqu'il revient du sujoud. Comme on a pu le voir, même si jamais le hadith il indique que c'est un pilier, on a pu voir une autre chose qui dévie le jugement du pilier vers l'obligation. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a oublié de faire le tashahhud. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait oublié de faire le tashahhud et dedans il y a takbir, il n'a pas recommencé la prière, mais là, il s'est contenté de faire sahou, la prosternation de distraction. Donc ceci nous prouve que ce n'est pas un pilier, mais une obligation. Quel est le jugement de lever les mains pour cela? Lorsque tu te relèves du sujoud, tu fais takbir. Est-ce qu'il est légiféré de lever les mains pour cela? C'est pas légiféré. C'est pas légiféré. Non, des compagnons l'ont fait. De temps en temps. Ce qui a dit de temps en temps, c'est la réponse qui est la plus correcte. Car on a pu voir à travers le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma fi al-Bukhari qu'il disait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela, c'est-à-dire lever les mains lorsqu'il était en sujoud. Et ce qui est voulu par là, comme ça a été évoqué dans une autre riwaya, qu'il ne faisait pas cela lorsqu'il revenait du sujoud. Lorsqu'il revenait du sujoud, ça c'est une riwaya, une version qui est dans le Bukhari. Il y a un hadith qui est venu en dehors de Bukhari et Muslim, d'une chaîne de transmission qui est authentique, dans laquelle il est dit que Nabi Sassam il le faisait. Certains des compagnons, plutôt certains des ulama, n'ont pas pris en considération cette riwaya, parce qu'ils ont dit que dans le Bukhari, il a bien évoqué Ibn Umar, qu'il ne faisait jamais cela. Et Ibn Umar, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une durée qui est beaucoup plus longue que Wa'il ibn Hujr, qu'il a accompagné de temps en temps. Donc ils ont fait précéder cette version à celle de Wa'il ibn Hujr. Lakin le Cheikh Al-Albani, wakadal ka Cheikh Muhammad ibn Hazam, il voit que de temps en temps, celui qui veut le faire, il peut le faire. Qu'il y a un hadith qui est venu par rapport à cela, et qui est authentique. Celui qui veut le faire, s'il le fait, c'est de temps en temps. Pourquoi ? Parce que le fait que Ibn Umar l'a dit, كان لا يفعل ذلك في السجود أو حين يرفع من السجود, il ne faisait pas cela, lever les mains, lorsqu'il était revenu du sujoud. Donc ceci nous prouve que ceux qui veulent le faire, ils doivent le faire de temps en temps, car cette version-là, elle nous fait prendre en considération que Nabi Sallam, il ne faisait, c'était une chose qui n'était pas connue de chez lui. Donc le fait qu'un autre sahabi, il a rapporté du prophète Sallam qu'il le faisait, ceci nous prouve qu'il le faisait de temps en temps. Donc celui qui le fait de temps en temps, Inch'Allah, il n'est pas... il a un dalil, lakin ce qui paraît wadih, c'est que la parole d'Ibn Umar, parce qu'il dit qu'il ne le faisait pas, lakin wallah alam, de temps en temps, comme l'a dit Cheikh Ibn Hizam, là, bah, de temps en temps, mais vraiment rarement, car la version d'Ibn Umar nous laisse comprendre que Nabi Sassam, il ne faisait pas ça. Donc de temps en temps, et même si on peut dire rarement. Quel est le jugement de s'asseoir entre les deux prosternations? C'est un pilier, naam. C'est un pilier. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam est là, il dit à cela, celui qui s'est approprié, ثُمَّ أَرْفَ حَتَّ تَسْتَوِيَ قَاعِدًا. Et ensuite, relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien assis. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ama Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il dit que l'assise, elle n'est pas... Elle n'est pas, c'est pas une obligation. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne l'a pas évoqué dans le Coran. Mais comme on a pu le voir, le hadith est une preuve contre lui. Donc ceci est l'avis de la majorité des savants. Lakin, la position d'Abu Hanifa n'est pas à prendre en compte. Elle n'est pas à prendre en compte. Car sa parole, elle s'oppose à un dalil qui est clair. Peut-être que le dalil ne lui est pas parvenu. Lakin, à ceux à qui ce hadith-là il était parvenu, ils doivent pas prendre en considération la parole de Abu Hanifa. Donc c'est comme si jamais il y avait un ijma. Parce que, wallah alam, c'est le hadith, il n'est pas parvenu à Abu Hanifa. Ça, c'est l'excuse qu'on peut lui trouver. Ensuite, il a pu nous décrire la manière de s'asseoir. C'est-à-dire qu'il fallait, comment il faut s'asseoir lorsqu'on est entre les deux prosternations. Non. La sunna, c'est ça. Comme l'a évoqué le participant 01. C'est de s'asseoir sur le pied gauche, et le pied droit doit être appuyé sur les orteils. Et les orteils en direction de la qibla, ça c'est la sunna. Le cheikh dit dans son livre là, يُفْرِشْ رِجْلَهُ يُسْرَى فَيَقْعُدَ عَلَيْهَا وَهُوَ وَاجِبُ وَهَذَا وَاجِبُ. Il a dit que c'est une obligation de s'asseoir sur son pied gauche. Est-ce que ce jugement est correct? Non, c'est une sunna, c'est pas une obligation, mais c'est une sunna. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Le athar de Omar radiyallahu ta'ala anhu qui nous dit qu'il fait partie de la sunna de s'asseoir sur son pied, ou plutôt il fait partie de la sunna de s'asseoir sur le pied gauche, ensuite kadalika de lever le pied droit comme on a pu le voir. Donc le fait qu'il dit Omar, il fait partie de la sunna, c'est comme s'il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fait partie de la sunna de faire ceci et de faire cela. Donc ceci nous prouve que le jugement de Cheikh, il n'est pas juste. Le hadith qui a été évoqué sur cela, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Comme on a pu l'évoquer, c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est dans les cas parmi les choses qui sont légiférées de faire, ou plutôt l'assise qui est légiférée d'observer, c'est l'iq'a. C'est quoi l'iq'a? Non. De s'appuyer sur ses orteils et de s'asseoir sur les talons. Et ça, c'est dans les cas, c'est une sunna. Comme ça a été évoqué dans... l'athar de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu fi muslim, lorsque Taous lui a dit est-ce qu'il fait partie de la sunna de s'asseoir de cette façon de l'iqa, il a dit naham, c'est une sunna. Ensuite il a dit cette assise n'est pas noble pour les hommes, ou une parole semblable à celle-ci, et il lui a affirmé que ceci fait partie de la sunna. Donc c'est pareil, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, c'est comme s'il avait attribué cette parole-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ma'rouf. Et la chose qui n'est pas légiférée, c'est de s'asseoir, aqiba al-shaytan, comme le font les shayatins. C'est-à-dire d'avoir l'assise qu'ont les chiens. Les chiens ou les animaux féroces, quand ils s'assoient, ma'ruf, comme ils s'assoient, même sur le derrière, en élevant les genoux. Ça, c'est une assise qui n'a pas lieu d'être entre les deux prosternations. comme cela a été évoqué dans Sahih al-Muslim. Qu'est-ce qui est légiféré de dire comme dua entre les deux prostrations? Ou plutôt, je vais vous dire les dua, vous allez me dire laquelle des deux est légiférée. Est-il légiféré de dire Allahumma khfirli warhamni, wajburni, warafi'ni, warfi'ni plutôt, warafini, warzukuni? C'est légiféré de dire cela? Mon Seigneur, pardonne-moi. Non, ce hadith-là, il est faible. Non, il est faible. Le hadith, il est faible. Il n'est pas authentique. Ce qui est légiféré de dire, c'est Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Comme on a pu le voir dans un hadith, il disait cela d'une durée qui était semblable à son recours, ou plutôt son qiyam lorsqu'il disait. Et comme on a pu le voir, répéter que la sunna, entre les deux assises, on le dit, pardon, Wallah, la mirin qui a été, est-ce qu'il faut le dire, ou ça peut être un nombre impair. Ah non, tu le dis, Yanni, en tout cas, Nabi Sallam, il l'a répété plusieurs fois. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il l'a répété plusieurs fois. Amal hadith, inna Allah witrun yuhibbul witr, hada tayyib. Ça, c'est un hadith qui est âme. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il aime les choses impaires dans toutes les choses. Inna Allah witrun wa yuhibbul witr. Allah subhanahu wa ta'ala est unique et il aime les choses qui sont impaires. Donc, la abbas, celui qui le dit d'un nombre impair, la abbas bihi. Lakin la yatakallaf, il compte. Rabbi khfirli 1, Rabbi khfirli 2, Rabbi khfirli 3. Ça n'a pas été évoqué que Nabi Sallam avait l'habitude de faire cela. Il le dit, quand même. Il le dit. Et si jamais il est tombé sur un nombre impair, alhamdulillah. Lakin yanni qui se charge la tâche de savoir combien de fois il l'a dit, non. Il n'y a rien qui a été prouvé par cela. Il le dit plusieurs fois. Il le dit plusieurs fois. Et si jamais c'est tombé sur un nombre impair, c'est qu'Allah Azzawajal l'a donné la réussite, il a voulu pour lui un bien. Car Allah Azzawajal l'aime tout ce qui est impair. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Donc il nous le dit autant de fois qu'il veut. Que ce soit un nombre impair ou un nombre pair. Wafiqa barakallah. Donc on a pu voir qu'à Talika, parmi la sunnah, c'est d'observer une durée équivalente entre les piliers de la prière. Et on a pu voir, ou je ne sais pas si je l'ai évoqué, lakin c'est le qiyam. Al-ruku' plutôt le. Al-Qiyam, la durée, si jamais tu veux mettre une durée qui est équivalente entre tes piliers, c'est le Qiyam qui va être quoi? La mesure sur laquelle tu vas baser cette équivalence dans tes piliers. Car Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il disait, ou plutôt, comme Hudhayfa ibn al-Yaman, il a évoqué, فَكَانَ الرُّكُعُهُ نَحْوَنْ مِنْ قِيَامِ. Son ruku', il était semblable à son Qiyam. Donc ceci nous prouve que la mesure sur laquelle tu dois te baser, c'est quoi ton Qiyam? Ça c'est ce qui a été évoqué dans la sunnah. Ensuite, si jamais ton recours, tu l'as fait d'un temps bien imparti, katalika lorsque tu reviens au recours, katalika lorsque tu es en sujoud, et katalika lorsque tu es entre les deux prostrations. La mesure sur laquelle tu dois baser cela, c'est ton qiyam. Par rapport à ton qiyam, tu mets la durée dans tes autres piliers d'une manière équivalente, et on a pu voir katalika, qu'il était aussi, qui faisait partie de la sunnah, d'allonger l'assise entre les deux prostrations et qu'à les cas lorsque tu reviens du ruku', comme cela a été authentifié par Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik. Ensuite, on a pu voir que dans la deuxième prostration, tu fais la même chose que tu as fait dans la première prostration. Inch'Allah, on rentre dans le cours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais qabla dhalika, pour revenir par rapport à la position observée pour les mains entre les deux prostrations. J'avais pu évoquer la parole de l'imam Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fi sharh mumti', dans lequel il a évoqué qu'il y avait deux manières pour cela. A savoir que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a une position dans. Il a un avis qu'il observe entre les deux prostrations, qui n'est pas connu de chez les ulama, qui est de faire. De pointer avec l'index en direction de la Qibla lorsque tu es entre les deux prostrations. Et ça, c'est un avis, comme l'a évoqué le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Silsilat al-Sahiha. C'est un avis qui n'est pas connu auprès des salafs. Il a été évoqué parmi les ulama. La première personne qui dit que j'ai connu, qui a évoqué cela parmi les ulama, c'est Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi. Donc on peut comprendre à travers la parole de Cheikh Al-Albani qu'il n'y a pas, que ceci n'est pas légiféré, c'est-à-dire de pointer le doigt entre les deux prostrations. Qu'est-ce que le Cheikh Cheikhana Muhammad, ou plutôt Cheikhana Yahya Hafizahullah Ta'ala, Fikhanz Estamin, il a évoqué que ceci, que tous les hadiths qui sont venus indiquant cela, que tu dois pointer l'index comme tu le fais dans ta shahud, lorsque tu es entre les deux prostrations, c'est une chose qui n'est pas connue. Et les hadiths qui ont été évoqués, ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Ils sont tous faibles, ils sont chaises. C'est-à-dire qu'ils sont, ils vont en contradiction avec les hadiths qui nous prouvent qu'Nabi Sallam, il ne faisait pas cela. Quant à la position qui doit être observée, où doit être mis les mains, Wallahu tabaraka wa ta'ala, j'ai pas vu de hadith par rapport à cela, ni dans ces fasalats de Cheikh, hafidhahullah wa ta'ala, ni kadhalika dans les livres où sont évoqués cette mas'ala-là. Mais ce qu'on peut comprendre à travers les hadiths qui ont été évoqués dans la sunna, comme c'est le cas dans le recueil des musulmans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths-là, ils nous montrent qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas de tashahhud, il demande qu'il mettait ses mains sur ses genoux, tamam, et il pointait avec son index la direction de la qibla. Donc ceci nous prouve que ses mains elles étaient quoi? Sur le genou. Excepté qu'il a ajouté par rapport à cela, c'est qu'il pointait en direction de la qibla son index. Et du fait que les ulama nous disent que les hadiths qui sont venus sur cela, comme c'est le cas de le hadith qui a été rapporté par l'imam Abdel Razak, dans lequel il nous dit entre les deux prostrations, tu dois pointer la qibla. Tu dois pointer de ton index, par ton index, la qibla. Il nous dit ça, c'est un hadith qui est daïf. Le hadith est daïf. Lakin avec les autres hadiths, ceci nous prouve que Nabi Sallam, il avait pour habitude de mettre quoi? Ses mains sur ses genoux. Même ses mains sur ses genoux pendant, pendant le tashahhud. Et lorsque tu es assis entre. Lorsque tu es assis pour l'yassatou l'istirah, c'est-à-dire lorsque tu veux te relever, lorsque tu as fini un rak'a, tu veux te relever pour aller à une deuxième. Il y a une assise qui doit être respectée. Ça, c'est une assise. Entre deux prostrations, kadalika, c'est une assise. Ceci nous prouve que lorsqu'il était assis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il mettait les mains sur les genoux. Amma, le fait de pointer le doigt vers la direction de la qibla, l'index, ça, c'est une chose, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, c'est une chose qui n'est pas connue auprès des ulama. Et ils ont dit que Nabi Sallam s'est connu de sa sunna qui pointait son index vers la qibla que lorsqu'il était en tashahhud. C'est-à-dire que dans les autres assises, il ne faisait pas cela. Lakin, ses mains, elles étaient sur quoi? Sur ses genoux. Ses mains étaient sur genoux. Donc on doit observer l'assise qu'il faisait plutôt au niveau des mains. La position qui doit être observée pour les mains lorsque tu es entre les deux prostrations, c'est la position que tu dois observer lorsque tu es en quoi? En tashahhud. Excepté que quoi? Tu ne pointes pas ton doigt vers la qibla. Tu pointes au poids ton doigt vers plutôt l'index vers la qibla. Hada wallah. Amma Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Uthaymin, il a pris des hadiths qui sont évoqués dans Muslim pour cela. Ces hadiths-là, dans lesquels il est dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدميه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه يمنى ووضع يده اليسرى على ركبتيه ووضع يده اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه. فحدث الحديث لا يعني il est évoqué que Nabi صلى الله عليه وسلم lorsqu'il s'asseyait pendant la prière, pendant la prière, il mettait son pied gauche entre sa cuisse et son mollet, et il s'asseyait sur son pied gauche. Et par rapport à ses mains, il mettait sa main droite sur sa cuisse gauche et avec son index, il le pointait en direction de la qibla. Donc ceci nous prouve que c'est quoi tashahhud. Parce qu'il n'y a que dans tashahhud que tu peux quoi? Allonger ton pied droit et mettre ton pied gauche entre ton mollet et ta cuisse. Donc ceci nous prouve que c'est dans quoi tashahhud. Malgré que Nabi Sallam il a dit dans la prière. Lorsqu'il dit dans la prière, ce qui vient après, ça, c'est un éclaircissement de ce qui est dit avant. C'est-à-dire que ce qui est voulu ici, c'est tashahhud, parce que c'est ma'ruf, c'est que dans le tashahhud que tu mets ton pied gauche entre ton tibia, et plutôt entre ton mollet et ta cuisse. Un autre hadith kadhalika, dans lequel il est dit qu'il faisait dans la prière la même chose. Il y a beaucoup de hadiths qui sont venus qui disent que Nabi Sallam il faisait cela lorsqu'il était assis. Tamam. Et il y a des hadiths qui disent lorsque Nabi Sallam il était en tashahhud. Tamam. Il pointait le doigt, son index vers la qibla. Il y a d'autres hadiths, pourquoi les évoquer? Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Il y en a 6. Ceux qui veulent les réviser, c'est donc Bab Sifat. جلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. تمام. C'est le bab 21. C'est le chapitre 21 de ce bab-là. Dans Sahih Muslim. Donc il y a plusieurs riwayats dans lesquels Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il pointait son index vers la Qibla lorsqu'il était en prière. D'autres lorsqu'il était assis. D'autres lorsqu'il était en tashahhud. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, nous dit que les hadiths qui sont venus de manière globale, qui dit dans la prière, lorsqu'il était assis, ils disent qu'ils doivent être pris en considération dans toutes les assises. Amma al-hadith qui est venu dans tashahhud, il dit ça c'est une ziyada, pour nous dire qu'il faisait aussi cela dans tashahhud. Les autres ulama, ils disent non, ça, lorsque ça a été évoqué qu'il faisait cela dans la prière ou bien lorsqu'il était assis, c'est un hadith qui est global. Et le hadith qui est venu lorsque c'est évoqué dans tashahhud, il dit c'est un hadith qui vient éclaircifier. Qui vient éclaircifier la globalité qui a été évoquée dans les autres riwayas, dans les autres versions. Donc ils nous disent la version de tashahhud vient nous éclaircifier, nous dire que ce qui est voulu prendre dans la prière lorsqu'il était assis, c'est lorsqu'il était en tashahhud. Et ce qui a pu cela, c'est que le ulama, hormis l'imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, n'ont pas évoqué cela. Et ce qui a pu cela aussi, c'est que l'imam muslim rahimahullah ta'ala, il a évoqué ce chapitre-là juste avant le chapitre lorsque tu dois faire taslim, c'est-à-dire taslim lorsque tu sors de la prière. Lorsque tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et kazalika à gauche, et ensuite ta prière allait terminer. Il a évoqué ce chapitre-là dans lequel al-Sheikh al-Uthaymeen, il a pris cet argument de dire que tu dois le faire lorsque tu es entre les deux prosternations pour pointer ton index vers la Qibla. Ce chapitre-là où il a pris ces hadiths-là, ils ont été évoqués juste avant le chapitre par lequel se termine la prière. Et c'est ma'rouf, que la chose, plutôt l'assise qui est évoquée avant que la prière se finisse, c'est lorsque tu es en tashahhud. Donc il y a l'imam muslim, et par rapport à la manière dont il a énuméré ces chapitres, il nous prouve, ceci nous prouve bien qu'il veut nous montrer par là que l'assise qui est voulue, c'est l'assise qui est venue en tashahhud. Parce qu'il a évoqué cela juste avant le taslim, c'est-à-dire de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et à gauche pour finir la prière. Donc wallahu a'lam, c'est que pointer l'index vers la Qibla lorsque tu es entre les deux prostrations, c'est une chose qui ne doit pas être observée. C'est une chose qui ne doit pas être observée. Le hadith qui a été évoqué clairement sur cela, il est faux, il est da'if. Et même les autres hadiths dans lesquels qui sont ram, il y a des autres hadiths qui viennent le spécifier ou bien qui viennent éclaircifier. Qui viennent éclaircifier que ce qui est voulu dans ces termes-là, dans la prière et lorsqu'il est assis, c'est at-tashahhud. Comme cela a été évoqué dans les hadiths. Donc, wallah alam, la vie est que tu ne... Comment ? Éclaircir ? Naam. Taam, jazakallah khair. J'ai dit éclaircifier, naam. Jazakallah khair. Donc, yani, la vie qui paraît juste, c'est que tu ne dois pas pointer ton doigt vers la Qibla lorsque tu es entre les deux prosternations. Lorsque tu n'es entre les deux prosternations. Mais tu dois laisser tes mains sur tes cuisses. La main droite et la main gauche. Ça, c'était un petit NB, un ajout à faire par rapport à ce qui a été évoqué la semaine dernière, par rapport à la parole, ou plutôt dans le cours dernier, par rapport à la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Hatta Cheikh Al-Albani nous dit qu'il avait évoqué, lorsqu'il a vu ces hadiths-là qui sont évoqués d'une manière globale, avant qu'il lui soit parvenu que certains ulama, ils ont dit que tu avais le droit de faire cela, il a dit, lorsque j'ai vu ces hadiths-là, j'ai tout de suite craint qu'un jour, une personne va venir avec une innovation nouvelle et va dire que tu peux pointer ton index vers la Qibla lorsque tu es en quoi ? Lorsque tu es entre les deux prosternations. Et ensuite, il a dit, il m'a été parvenu que certains ulama, ils ont vu cela. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas, qui ne doit pas être observé. Ça, c'est une innovation dans la prière. Car les salafs, ils n'ont pas évoqué cela. Les salafs, ils n'ont pas évoqué cela, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Lakin, le mieux, c'est de ne pas évoquer cela, c'est-à-dire de dire que c'est une bid'a. Lakin, tu dis, ça, c'est une chose qui n'ont pas été évoquée. Afin de fermer les portes à l'hostilité qui peut avoir certaines personnes qui prennent l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen, si tu leur dis ceci est une bid'a, peut-être qu'il va prendre sur lui, il va dire voilà, tu dis que moi je suis un mubtadi' ila akhirih. Le mieux c'est d'éviter cela. Tamam. L'imam Ibn Qayyim il voit ceci. Donc il y a un effort de compréhension qui est basé sur des hadiths qui sont globales. Et inshallah ta'ala, l'avis qui est juste, c'est ce qu'on a évoqué. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. قال رحمه الله تعالى جلسة الاستراحة donc la sieste qui doit avoir après après que tu te sois relevé de la deuxième prostration. La sieste de repos, si on veut l'appeler comme cela. قال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a levé sa tête de la deuxième prosternation et qui veut se lever pour aller à la troisième plutôt, à la deuxième raka, la deuxième unité de prière, il doit faire le takbir. Il doit dire Allahu Akbar. Il nous dit ceci est une obligation wujuban. Comme on a pu le voir, il y a des hadiths qui nous prouvent cela qu'il fait partie de la sunna et la sunna se divise en deux. Il y a des sunnas qui sont obligatoires et des sunnas qui sont quoi? Qui sont recommandées. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam yani, parmi sa coutume, c'est qu'il faisait cela comme cela a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kana, idha, kana yusalli bihim, fa yukabbir kullama khafada wa rafa'a. Al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, où, lorsqu'il priait pour les compagnons, lorsqu'il présidait la prière, il faisait le takbir à chaque fois qu'il se relevait ou bien qui aller vers un pilier. Ce hadith-là, il est muttafaqan alayhi. Donc à chaque fois que tu te relèves, ou à chaque fois que tu descends pour aller vers une autre position dans la prière, Nabi sallam, sa coutume était de faire le takbir, comme cela a été évoqué dans ce hadith. فَيُكَبِّرْ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. Donc ceci nous prouve que Nabi sallam le faisait. Reste à élucider, il n'y a ni l'obligation. Comme on a pu le voir à travers le hadith de celui qui ne savait pas prier, le hadith Naham Rifa'a, Ibn Rafi' selon Abu Dawud, rapporté par Abu Dawud, et le hadith est authentique, comme on a pu l'évoquer plusieurs fois. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de l'un d'entre vous ne sera naam complète, ou plutôt naam ne sera complète qu'après qu'il ait fait ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans ce hadith là. Et parmi cela, c'est que il avait instruit de faire le takbir lorsqu'il se relevait du sujoud. Et comme on a pu le voir, et on répète, que ce hadith-là, tout ce qui a été évoqué prouve que c'est des piliers. Excepté s'il y a un hadith ou une preuve qui dévie le pilier vers quoi? L'obligation ou bien une autre chose. Et comme on a pu le voir à travers le tashahhud que le Nabi Sallam avait oublié de faire, dans lequel il est compris le takbir, ceci nous prouve que lorsqu'il a fait la prosternation de distraction, que ce takbir-là, qui s'appelle takbir al-intiqal, lorsque tu vas te déplacer d'une position à l'autre, ce n'est pas un pilier, mais la kin est une obligation. Car si jamais ça aurait été un pilier, un Nabi Sassam ne serait pas contenté de faire juste y aller les deux prostrations de distraction, la kin aurait recommencé la raka. Ça, c'est marouf. Donc, toutes les takbirat al-intiqal, elles sont tous wajibah. Et le justificatif, ou plutôt les preuves qui nous prouvent cela, c'est ce que vous avez évoqué. قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه أحيانا ينودي كذلك qu'il est légiféré de temps en temps de lever les mains. Pour cela, lorsque tu te lèves pour aller à la deuxième unité de prière, il nous dit qu'il est légiféré أحيانا. Donc ceci nous prouve que c'est une sunna de le faire de temps en temps, de lever les mains de temps en temps, de lever les mains. Lakin, comme on a pu le voir, les endroits qui sont légiférés pour cela sont au nombre de 4. Qui peut nous rappeler les endroits qui sont légiférés pour lever la main, pour lever les mains lorsque tu es pendant la prière? Takbirat de l'ouverture nam, takbirat al-ihram. Naam. Al-ihram, lorsque tu vas au ruku', naam. En se relevant du ruku', en se relevant du tashahhud, ou plutôt du sujoud, de temps en temps. Ça c'est pour ceux qui voient cela. Lakin les 4 qui sont muttafaqun alayhi, dans lesquels les ulama sont tous unanimes, plutôt ils sont tous d'accord par rapport à cela, c'est takbirat al-ihram. Naam, takbirat al-ihram. Ensuite, lorsque tu vas au ruku', lorsque tu te relèves du ruku', et lorsque tu te lèves pour aller à la troisième raka'a, c'est-à-dire après à tashahhud. Ça, ces 4 endroits-là, c'est des endroits qui sont pas, qui ont été évoqués dans la sunnah. Et le 5e, c'est de lorsque tu te naam entre les deux prostrations. Lakin, wallahu alam hada. Yani, dans le cœur, il y a une chose. Dans le cœur, il y a une chose. Le fait que Omar dit « Kana la yaf'al dhalika ». Ibn Omar. Il ne faisait pas cela. Wallahu a'lam. À la kulli hal, il y a un hadith qui est venu. Donc ceux qui disent qu'il y a 5 endroits pour cela, ils ont un dalil avec. Lakin wallahu a'lam, l'adhi yadhar, c'est que il y a 4 endroits et ceux qui voient le 5e endroit, qu'ils le fassent, mais rarement. Donc ça, c'est pas légiféré. Il y a pas. Si un hadith qui a été évoqué par rapport à cela, le fait que le ulama nous dit qu'il y a 4 endroits, c'est que tu vas voir dans ce hadith-là qu'il est da'if. Tous les hadiths qui ont été évoqués pour cela, en dehors des 5 endroits qu'on a pu évoquer à l'instant, tu vas voir que dans ces hadiths-là, donc c'est pour ça que j'ai pas pris la peine de regarder, parce que c'est ma'aruf, dans ces hadiths-là, ils sont tous, la plupart de son toi, ils sont da'if. Tout ce qui a été évoqué en dehors de cela, ce sont des hadiths qui sont da'if. Ça, c'est ma'aruf. قال رحمه الله تعالى ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. Et nous dit كذلك ce qui est légiféré pour lui avant qu'il se lève, c'est de marquer un temps d'arrêt en s'asseyant sur son pied, comme tu le fais pour entre les deux prestations. Tu t'assois sur ton pied droit de manière droite, que tu tiens correctement dans cette assise là. Et Kazalika, ton pied droit, il doit être comme tu l'as, entre les deux prestations, la même chose. La même chose pour cela. Donc là, on va évoquer le jugement de l'assise qui doit être observée avant que tu te lèves pour aller à la deuxième unité de prière. Jalsatul istiraha, l'assise du repos, si on peut appeler cela. Yani le temps d'arrêt que tu marques avant de te lever. Pour aller à la deuxième unité de prière. Les ulama, ils ont évoqué, pour cela, il y a 3 avis, ou plutôt ils se sont départagés en 3 avis. Le premier avis, c'est que c'est recommandé d'observer cette assise-là avant que tu te lèves, c'est une chose qui est recommandée. Ils ont pris pour cela Hadith Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous dit Anahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. Il est rapporté par Bukhari. Dans ce hadith-là, authentique, il nous a dit que Malik ibn Huwayrith, il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait, lorsqu'il se levait pour aller à une autre unité de prière, il marquait un temps d'arrêt. Il marquait un temps d'arrêt. Il nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se levait pas qu'après avoir marqué un temps d'arrêt. Un autre hadith kadhalika qui nous prouve cela, qui est rapporté par l'imam Ahmed et kadhalika Abu Dawud ibn Majah et d'autres, selon Malik ibn Huwayrith, le même rapporteur, le même sahabi plutôt je veux dire, qui nous a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'après la deuxième prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, lorsqu'il se levait après la deuxième prosternation, qu'il faisait le takbir et ensuite il s'asseyait sur son pied gauche jusqu'à ce que tous ses membres reviennent à sa place, c'est-à-dire qu'il marquait un temps d'arrêt et pour cela, il observait un apaisement, que ses membres soient apaisés, qu'ils reviennent, que tous ses os reviennent à l'endroit qu'ils doivent revenir. Et cette parole-là, il a dit devant une dizaine de sahabas. Et aucun de ces sahabas, il n'a réprimandé cela. Il s'est opposé à ce qu'a dit Malik ibn Huwayrith. Le deuxième avis, c'est que ceci n'est pas légiféré. Il voit que ceci n'est pas légiféré. Et que c'est vraiment pas recommandé, hatta. Et cet avis-là, il a été évoqué. Et plutôt, il y en a certains de Sahaba, ils l'ont fait, ou plutôt, ils l'ont fait. C'est comme cela a été authentifié de Ibn Mas'ud, ou Ibn Umar, ou Ibn Abbas. Et Nu'man Ibn Ayyash, rahimahullahu ta'ala, qui est un tabi'i, nous dit qu'il a rencontré plus d'un des compagnons, qui, lorsqu'il se levait après la deuxième prostration, qui se levait directement sans marquer un temps d'arrêt. Donc ils ont pris par rapport à ceux qui voient que c'est pas légiféré, ils ont pris l'acte de ce sahaba pour nous dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela. Car il dit si ces compagnons-là ne faisaient pas cela, c'est qu'ils l'ont pris du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième avis, c'est que ceci est légiféré, c'est-à-dire marquer un temps d'arrêt avant de se lever, après la deuxième prostration, pour aller à la deuxième unité de prière, ou bien la troisième, ou quatrième, plutôt naam, quatrième unité de prière, que ceci est légiféré et naam, est recommandé pour la personne qui est âgée. La personne qui est âgée, il voit pour lui que c'est légiféré. Amma les personnes qui ne sont pas âgées, ou plutôt la personne qui est en pleine santé, qui a toute sa capacité physique, que c'est pour cette personne-là, c'est pas recommandé. Ils ont fait un tafsil. Lakin, l'avis qui paraît juste, c'est que c'est recommandé. Pour la personne qui est âgée ou bien la personne qui n'est pas âgée, la personne qui est en pleine santé ou la personne qui n'est pas en bonne santé. C'est légiféré pour ces personnes-là. C'est légiféré pour toute personne dans la prière. Car il y a deux hadiths qui nous prouvent cela. Le premier, qui a été évoqué par l'imam Bukhari, que Nabi Sallam il marquait un temps d'arrêt avant de se lever à la deuxième, pour aller avant de se lever à une autre unité de prière, rapporté par le Bukhari et Kazalika, rapporté par Ahmad et autres. Donc le fait que ce sahabi il a évoqué cela devant plusieurs des sahaba, ou plutôt 10 des sahaba, aucun de ces sahaba se sont opposés à cela, ceci nous prouve que c'est légiféré. Car le premier degré, comme on a pu le voir, des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une recommandation. Donc ceci nous prouve que c'est recommandé. Amma ceux qui ont dit que ce n'est pas recommandé, il y en a le dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une hujja contre eux. Et les actes des sahaba, on ne peut pas le prendre pour dire que c'est quoi? C'est une recommandation ou bien même un dalil. Mais on peut prendre cela comme que c'est une chose qu'ils n'ont pas vue. C'est une chose qu'ils n'ont pas vue. Amma ceux qui disent que c'est légiféré pour la personne qui est âgée, ils disent parce que Malik ibn al-Hawarith, c'était quelqu'un qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la fin de l'ère de la prophétie. Ils nous disent tous ces sahabes qu'ils ont rapporté la prière, la description de la prière sans évoquer l'assise qui doit être observée lorsque tu veux te lever vers une nouvelle unité de prière. Ils nous disent que ces personnes-là, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute l'ère de la prophétie. Donc ils nous disent, Yanni, ceci nous prouve que lorsque Anabi sallallahu alayhi wa sallam avait ses pleines capacités physiques, il ne faisait pas cela. Amma le hadith de Malik ibn al-Hawarith, qui lui a accompagné le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam vers la fin de sa prophétie, nous prouve que, ils disent que ceci nous prouve qu'il a fait cela lorsque Anabi sallallahu alayhi wa sallam a rencontré certaines difficultés physiques. Donc ils nous disent que, pour que le texte soit cohérent, tu prends les deux hadiths et tu en conclus que c'est légiféré pour la personne qui n'a pas ses pleines capacités physiques. Ça, c'est un avis qui est juste et la basbihi. Ceux qui ont dit ça, c'est un avis qui est la basbihi. Lakin wallahu alam, le fait que ce compagnon-là, il a évoqué cela, ceci nous prouve que c'est une chose qui doit être quoi? Qui est naham recommandée. C'est une chose qui est recommandée et d'autant plus pour la personne qui n'a pas ses capacités physiques. Qui n'a pas toutes ses capacités physiques, c'est très recommandé pour lui de marquer ce temps d'arrêt. De marquer ce temps d'arrêt. Et c'est une recommandation. Car il n'y a rien qui nous prouve et qui ordonne cela. Et l'avis qui dit que ceci est légiféré pour la personne qui est âgée et non légiféré à la personne qui n'est pas âgée, c'est un hadith, c'est une preuve, même si jamais elle a une déduction qui n'est pas totalement fausse, laquelle le fait que ce sahabi, il a évoqué cela devant 10 compagnons parmi les sahaba et que personne ne s'est opposé à cet avis-là. Et c'est une chose que lui, il a ramené, et comme ils disent dans la science du hadith, من علم حجة على من لم يعلم. Celui qui connaît une chose, il a un argument en plus sur la personne qui le fait prévaloir à la personne qui n'a pas l'argument. Celui qui sait n'est pas semblable à la personne qui ne connaît pas. Donc il y a Wallahu a'lam, c'est légiféré. Ceci est légiféré. Quant à la manière qui doit être observée de s'asseoir pendant cette assise, comme on a pu le voir à travers le hadith de Malik ibn al-Hawarith radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Ahmad et autres, قال ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه الى موضعه. Il disait que Nabi Sallam, dans cette assise là, il est sur son pied gauche jusqu'à ce que ses membres reviennent tous à leur place. Donc il marquait un temps d'arrêt dans lequel Yanni se reposait. C'est pour ça que ça a été appelé jalsatu al-istiraha, l'assise du repos. Car Yanni, Nabi Sallam, il marquait un temps d'arrêt dans lequel et laisser tous ses membres revenir à l'endroit pour cela. Donc l'assise qui doit être respectée, c'est l'assise qui doit être respectée lorsque tu es assis entre les deux prostrations, c'est-à-dire de s'asseoir sur le pied gauche et le pied droit, il doit être quoi, mis, le pied droit il doit être dressé sur les orteils. Et le takbir qui doit être observé lorsque tu veux te lever pour aller à la deuxième unité de prière ou bien à une autre unité de prière, tu dois le dire au moment où tu as fini cette assise là. Lorsque tu vas te lever pour aller à cette deuxième prostration, plutôt à la deuxième unité de prière ou une autre, tu dois dire à ce moment là takbir, parce que le fait de dire takbir lorsque tu es assis, tu es toujours dans cette phase où tu es en train de te reposer, et bien là, ce n'est pas légiféré. Parce que là, c'est takbiratul intiqal. C'est comme si jamais tu disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il marquait ce temps d'arrêt, il faisait le takbir. Il faisait le takbir pendant cet endroit-là, alors que le nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été observé de sa sunna qui faisait cela. Donc à partir du moment où tu vas te lever, à partir de ce moment-là, il était légiféré de dire Allahu Akbar. À partir de quel moment tu ne dois plus dire Allahu Akbar, c'est lorsque tu es quoi? Debout. Lorsque tu es totalement debout, là tu ne peux pas dire Allahu Akbar, parce que là, comme on va le voir, tu dois lire Al-Fatiha. À partir de ce moment-là, tu dois lire Al-Fatiha. Et donc à partir de ce moment-là, c'est plus légiféré de dire Allahu Akbar. Le takbir qui va, qui est légiféré pour te déplacer d'un endroit à un autre. Donc entre ces deux endroits-là, il est légiféré de dire Allahu Akbar. À partir du moment où tu te lèves et avant que tu sois totalement debout. Là, il est légiféré pour toi de dire Allahu Akbar. Et comme on a pu le voir, c'est une obligation quand même. Ceci est une obligation. Kadhalika, parmi les choses à observer lorsque tu te lèves, comment tu dois te lever? Est-ce que tu dois te lever en t'aidant de tes pieds? Il y a un takbir pour se relever du sujoud et faire cette assise repos. Puis un autre takbir pour se mettre debout. Naam. Là. Lorsque tu te lèves du sujoud, tu marques ton temps d'arrêt. Non, il n'y a pas de takbir. Un takbir après la prostration et un takbir lorsque tu te lèves. Là. Le takbir qui doit être observé, c'est lorsque tu vas te lever. Non. Le takbir que tu dois faire, c'est lorsque tu vas te lever. Le takbir que tu dois faire, c'est lorsque tu vas te lever. Attendez, laissez-moi réviser cette masala-là. Non. En fait, il y a certains ulama, comme c'est le cas de Abu al-Khattab, rahmatullah alayhi, ils voient que tu dois faire deux takbir. Donc c'est bien d'avoir évoqué cela. Ils voient que tu peux faire deux takbir pour cela. Lorsque tu te relèves du sujoud et lorsque tu vas te lever. Il voit que tu dois faire deux takbir. Lakin, ce qu'Allah, il n'est pas sahih. Ce qu'Allah, il n'est pas sahih. Le takbir qui doit être observé, c'est lorsque tu lèves ta tête du sujoud. Lorsque tu t'es levé du sujoud, tu dis Allahu Akbar pour cela, et tu marques un temps d'arrêt, et ensuite tu te lèves. Un temps d'arrêt, ce n'est pas un temps d'arrêt qui est long, mais histoire que tes membres sont revenus à leur place lorsque tu t'es assis. Et à ce moment-là, tu te relèves. Et à partir du moment où tu as levé ta tête du sujoud, il t'est légiféré de dire ce takbir-là. À partir de ce moment-là, jusqu'à ce que, avant que tu te mettes debout. À partir de ce moment-là, c'est légiféré de dire Allahu Akbar. Et lever les mains, ce qui est ça, on n'enlève pas les mains à ce moment-là. Comme on a pu le voir, là, on ne parle pas de lorsque tu te lèves pour, en fait, étant teshahoud, ensuite tu t'es levé pour la troisième raka. Là, on ne parle pas de celui-là. Là, on parle de là, lorsque tu te lèves pour aller à la deuxième unité de prière. Tu étais dans la première, quand même. Non. De ce moment-là, tu ne lèves pas la main. Ahsant, naam. Donc, comme l'a évoqué l'imam ibn Qudam, rahimahullah ta'ala, à partir du moment où tu t'es levé du sujoud, tu dis Allahu Akbar. Tu dis Allahu Akbar. Donc, lorsque la personne se lève pour aller à la deuxième unité de prière ou bien de la troisième unité de prière pour aller à la quatrième et l'akhirah, comment doit-il se lever pour cela? Est-ce qu'il cède de ses orteils, ou bien il doit céder en mettant les mains au sol? Kadhalika, les ulama ont divergé sur cette mas'ala-là, sur ce sujet-là. Ils se sont divisés en deux parties. Et l'avis qui est juste, c'est que tu dois t'aider de tes mains lorsque tu te lèves pour aller à la deuxième unité de prière ou bien vers une autre unité de prière après que tu as observé Jalsatul Istiraha, l'assise du repos. Comme cela a été évoqué par hadith Abi Qulaba qui disait فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ. Il disait, النبي صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il se levait sa tête après le deuxième recours, après la deuxième prostration, dans la première raka'a, c'est-à-dire pour aller à la deuxième raka'a, il s'asseyait, ensuite il se levait, et pour cela, il s'aidait de ses mains. Il s'appuyait sur ses mains. Et le hadith qui a été évoqué par l'imam Bukhari, lakin, la version qui a été rapportée par l'imam Nasa'i, celle que je viens de vous évoquer à l'instant, elle est plus claire, elle est beaucoup plus claire. Et ce hadith-là, il est authentique, authentifié par Cheikhouna Mohamed Ibn Hizam. Le deuxième avis est que tu te lèves en t'aidant de tes pieds, c'est-à-dire avec les orteils. Et ça, c'est un qawl qui a été attribué à Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud. Lakin, comme on a pu le voir, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela, on ne peut pas prendre en considération quoi la parole ou bien les faits des sahaba pour dire qu'il est légiféré de faire cela. Il faut un autre hadith afin de dire que ceci est légiféré. Amma sahaba, s'ils font une chose, même si on connaît que leur attachement pour la sunnah, lakin, kazalika, ça a été connu d'eux, d'avoir certaines positions où eux-mêmes ils ont fait un effort d'interprétation. Donc, à partir du moment que la sunnah elle a été évoquée, c'est elle qui doit être mise en avant. Ils ont évoqué pour cela ces personnes qui disent que tu dois t'aider de tes pieds pour cela et non de tes mains. Des hadiths, ils sont tous, ils ne sont pas authentiques. Tous les hadiths qui ont été évoqués, dans lesquels un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'aidait de ses pieds pour se lever, sans les mains, tous ces hadiths-là, ils sont tous des hadiths qui ne sont pas authentiques. Ils sont tous daïfs, ils sont tous daïfs. Donc, il y a ni la parole et la vie qui est juste dans cette divergence, c'est que tu dois te lever en t'aidant de tes mains. Par rapport à la manière de se lever, après qu'on ait vu qu'il doit se lever en s'aidant pour cela de ses mains, doit-il pour cela mettre ses mains à plat, c'est-à-dire en s'aidant de des paumes, ou bien est-ce que pour cela il doit fermer ses mains, les poings fermés. Il y a un hadith qui a été évoqué dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يعجن في الصلاة أي يعتمد على يديه إذا قام. النبي صلى الله عليه وسلم si on peut dire cela, il pétrissait pendant la prière, c'est-à-dire que lorsqu'il observait la manière dont observaient les personnes qui pétrissaient le pain lorsqu'ils voulaient se lever pour aller à une autre unité de prière. Lakin ce hadith-là n'est pas authentique, rapporté par Abu Ishaq al-Harbi. Et Cheikh Yahya hafidhahullah ta'ala considéré ce hadith-là comme étant un hadith qui est faux, un hadith qui n'est pas authentique. Donc, à partir du moment qu'il n'y a rien qui a été spécifié pour cela, là, il y a un hadith qui est venu que Nabi Sallam, il se levait sur ses mains. Donc, c'est ma'rouf les mains. Lorsqu'elles sont évoquées, qu'est-ce qui est voulu par là, comme on a pu le voir à travers la qaïda qu'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, c'est du bout de l'extrémité du majeur jusqu'au poignet. Tamam. Et le fait qu'il nous dit qu'il s'est appuyé pour cela, c'est ma'rouf. Lorsque tu veux t'appuyer pour te lever, si jamais tu dois utiliser pour cela ta main, est-ce que tu dois est-ce que tu as une tête pour cela avec ta paume ou bien le dos de ta main? C'est ma'rouf, lorsqu'une personne veut se lever en s'aidant de ses mains, elle va le faire en s'appuyant sur sa paume, c'est-à-dire les mains à plat. Donc c'est ma'rouf, c'est pas en mettant le dos de tes mains sur le sol, lakin, en mettant tes mains à plat et pour cela en mettant la paume au contact du sol. Donc la vie qui est juste, c'est que tu dois te lever en t'appuyant sur tes mains, en mettant tes paumes au contact du sol et non pas en fermant les poings. Tamam, non pas en fermant les poings. Ça, c'est la vie qui est juste dans cette mas'ala-là. Donc, il y a une chose, كذلك. قال الشيخ حفظه الله تعالى. قال الركعة الثانية. قال ثم ينهى متعمدا على الأرض. بيديه مقبوضة كما يقبضهما العاجل إلى الركعة الثانية وهو ركن وهي ركن. Il nous dit, lorsque la personne veut se lever, il doit pour cela céder de ses mains en les fermant. Lakin, comme on a pu le voir, le hadith il est faux. قال كما يقبضهما العاجل إلى الركعة الثانية, comme le fait les personnes qui pétrissent le pain. Et il dit ceci est c'est un pilier. Et le pilier, il n'y a rien qui prouve cela. Le hadith qui a été évoqué, comme on a pu vous le dire, il est faux. Le hadith il est faux. Et ça, c'est recommandé. Recommander le fait de faire cela, c'est-à-dire de céder de ses mains et les mettre à plat et les paumes au contact du sol, c'est une chose qui est recommandée, ce n'est pas une obligation. Et ni kazalika, un pilier, car il n'y a rien qui prouve cela. Ou plutôt, il y a un hadith qui prouve cela, lakin ce hadith-là, il est quoi? Il n'est pas authentique. Donc il dit, wa yasna'u fiha ma yasna'u fil ula. Donc il fait la même chose qu'il a fait, c'est-à-dire dans la deuxième unité de prière, il observe tout ce qu'on a pu voir du takbir, tamam takbir al-ihram, jusqu'à yani, la prosternation, tout ce qu'on a pu évoquer, il dit qu'il fait la même chose. قال إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الافتتاح. C'est-à-dire lorsqu'il se lève pour aller à la deuxième unité de prière, il ne doit pas lire quoi? Les doigts qu'on a pu voir, les doigts de l'istiftah, les invocations de l'ouverture, elles ne doivent pas être dites pour cela. Car il y a un hadith qui prouve cela, rapporté par l'imam muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, anahu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha nahada min ar-rak'ati thaniya, istaftaha al-qira'a, bilhamdulillahi rabbil alamin, wa lam yaskut. Il nous dit, Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait de la deuxième rak'a pour aller à la troisième unité de prière, il ouvrait cette troisième unité de prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire en disant Al-Fatiha, et dit Walam Yasku, c'est-à-dire qu'il mettait, mais il ne marquait pas un temps d'arrêt. Il ne marquait pas un temps d'arrêt pour cela. Ça nous prouve que Dua al-Istiftah, qui suscite pour cela que tu marques un temps d'arrêt, elle n'est pas à être observée. Car, comme l'a dit Abu Huraira, lam yaskut, il ne se taisait pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa yaj'aluha aqsar min ar-rak'ati al-ula. Et il met la deuxième unité de prière, d'une durée qui est un peu plus courte que la première unité de prière, inshallah. On va voir ça pour la prochaine fois. Et on se contente de cela. S'il y a des questions par rapport au cours, ou sinon, on se contente de cela. Car les coupures, elles nous ont vraiment retardé aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions par rapport à cela. La deuxième partie des principaux signes de la Hizbiyya, Inch'Allah, on la fera le dimanche. Le dimanche, on fera la deuxième partie de cette conférence-là. Il est possible qu'il y aura pour cela, Yanni, on la fera en trois parties, trois ou deux parties, on verra bien. Et Inch'Allah, lorsqu'on aura la possibilité, on mettra les cours qu'on doit mettre sur le site. Donc excusez-nous par rapport à cela. Est-ce qu'on peut faire différentes invocations dans un même soujma? Tu peux, il n'y a rien qui empêche cela. Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué qu'il faisait cela et qu'il faisait cela pendant al-rukur, plutôt que pendant la prosternation, même s'il n'y a pas un dalil qui est sarih, qui est net et clair par rapport à cela, le fait qu'il a évoqué plusieurs choses que tu pouvais faire pendant le sujoud, tu as le droit de le faire dans un même sujoud, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ma'rouf, ces sujoud, ils étaient longs. Donc tu peux évoquer tout ce qui a été légiféré de dire pendant le sujoud. Naam. Est-ce que demander à Allah Azzawajal de nous donner de bonnes fréquentations, c'est détestable, car ça ne fait pas partie des invocations prophétiques? Non. La chose qui est détestable, c'est que tu as une habitude d'invoquer Allah Azzawajal avec une chose que Nabi Sallam n'avait pas l'habitude de dire. Ça, c'est détestable. Que tu fasses ça de manière régulière. Si tu fais ça d'une manière régulière, ça, c'est détestable. Amma que tu dis. Cette chose-là est née de temps en temps, mais affichée. Moi, on parle en sujoud. Mais si jamais tu demandes de manière globale, les doigts, c'est ma'rouf, tu peux demander ce que tu demandes. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, dans lequel il dit Ma min rajul muslim yad'u, ma min rajul yad'u bida'watin laysa fiha qati'atul rahim wa la ithm, illa a'tahu ya ihda thalath. Dans le hadith dans lequel il a été évoqué, si le musulman il demande à Allah azawajal, dans une dua dans laquelle il n'y a pas de péché, et ni kazalika, il a rompu les liens de parenté, il dit qu'Allah Azzawajal, il va lui donner une des trois choses. Ce qu'il lui a demandé, donc ceci nous prouve que ça englobe les choses que tu demandes qui sont légiférées, ou plutôt y en est apportées par le Prophète, ou bien que toi-même tu as demandé. Et kazalika, le hadith dans lequel il est dit, lorsque tu lèves ta main aux cieux, Allah subhanahu wa ta'ala a honte. Qu'il ne te donne pas la chose que tu lui as donnée. Donc ceci nous prouve qu'il y a des choses que toi-même tu as demandé et qu'Allah il va te donner. Donc le fait de demander ça, là, ça m'afficher. Et hatta yani, c'est des choses qu'il faut demander parce que le Nabi sallam il a dit, la tusahib illa mu'mina. Ne fréquente que les mu'min. Ne fréquente que les mu'min, c'est-à-dire ceux qui sont sur la voie qui est droite. La voie qui est droite. Donc demander à Allah azzawajal une chose que le Prophète sallam t'a ordonné de faire. C'est une chose qui est vraiment légiférée. Il y a une partie que j'ai pas entendue. Tu veux dire que c'est seulement en soujoud, c'est pas bon d'avoir pour habitude cela. En soujoud, ma'ruf, ça a été connu. En soujoud, c'est connu ce que faisait le prophète, c'est-à-dire les choses dans lesquelles il est vraiment venu, les choses que le prophète faisait, ça devient beaucoup plus détestable. En recours, kadhalika. Dans tous les endroits où ça a été légiféré que Nabi Sallam, il faisait une chose qui est bien précise, il faisait des doigts qui est bien précise. Le fait que tu sors de ces doigts-là, c'est une chose qui est détestable. Et surtout, si jamais quoi, tu le fais de manière continue, tamam. Tu le fais de manière continue. Si jamais tu le fais de manière continue, ça rentre dans la bid'a, tamam. Et lorsque ils disent, yani, comme on a pu l'évoquer, lorsqu'ils disent c'est détestable, en gros tu as délaissé, si jamais tu le fais vraiment pas de manière régulière, de temps en temps, comme on a pu le voir à travers la parole de Cheikh al-Islam, lorsqu'il dit yakara, c'est-à-dire que c'est une chose qui est quoi, khilaf al-awla, yani tu as délaissé une chose qui était meilleure, lakin c'est ma'aruf, yani demander ces choses-là de temps en temps. M'afficher. La basse bihi. Le faire de manière continue, ça c'est détestable. Et c'est même une bida. Donc lorsqu'ils disent c'est détestable, ils veulent dire par là que délaisser, tu as délaissé une chose qui était préférable en dehors de la prière, c'est différent. Non. En dehors des choses où, yani, ça a été évoqué que le prophète Hassan, il faisait des doigts. Sans nous dire le type de doigts qu'il a dit. À partir du moment-là, si même toi tu veux faire la même sunna qu'il a fait, c'est-à-dire à ce moment-là faire des doigts, parce que le prophète l'a fait, laquelle rien n'a été évoqué de la manière dont il faisait ses doigts, ou plutôt il y en a des types de doigts qu'il a évoqués, dans ces moments-là, c'est vraiment, c'est-à-dire que là, tu as le champ qui est libre. Inch'Allah, on va se quitter, barakallahu fikoum. Donc, Inch'Allah, le prochain cours pour vous, ça sera, ou plutôt la conférence, ça sera jeudi. Tamam. Jazakum Allahu khairan. Wa iyyakum. Salamu alaikum wa rahmatullah. مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.